chers amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualités politiques, économiques et culturelles, initiation au Hangul, découvertes gastronomiques et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 20 février. Hausse des admissions en médecine, plus de la moitié des internes et des résidents démissionnent. Décès de Navalny, Séoul présente ses condoléances. MWC 2024, 165 entreprises sud-coréennes vont participer. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ouayang. C'est aujourd'hui que les médecins internes et résidents des principaux CHU du pays ont lancé leur action collective. Ils réclament le retrait du projet gouvernemental d'augmenter de 2000 le nombre de places dans les facs de médecine à partir de l'année prochaine. Pas moins de 6400 jeunes médecins de 100 hôpitaux ont présenté leur démission, soit 55% de leur nombre total à travers le pays. Ces chiffres ont été communiqués aujourd'hui par le second ministre de la Santé à l'issue de la nouvelle réunion du centre de gestion de crise qui agit contre le mouvement protestataire. Selon Pang Min-soo, les employés de son ministère se sont rendus hier dans 10 grands hôpitaux où les internes et les résidents sont en stage. À 22h, ils comptabilisaient 1091 démissionnaires et 737 d'entre eux refusaient de soigner des patients. Et l'exécutif a sommé 1628 autres de reprendre le travail comme il avait auparavant fait de même à 29. Cet ordre exécutif est imposé évidemment pour minimiser les perturbations prévues. Un bon nombre d'opérations, de consultations, encore d'hospitalisations ont d'ores et déjà été déprogrammées ou annulées. Face à une telle situation-là, le centre de gestion de crise fait le nécessaire. Il s'agit notamment de faciliter le fonctionnement du système de soins urgents et d'accorder cette aide à chaque établissement hospitalier de manière à ce que chacun maintienne la prise en charge indispensable des patients. Le gouvernement de Séoul a présenté ses condoléances à la famille et aux proches d'Alexei Navalny, ce principal opposant russe au régime de Vladimir Poutine, est décédé vendredi dernier dans une prison de l'Arctique. Il est purgé une peine de 19 ans. Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé hier pleurer celui qui s'est battu pour la démocratie russe, avant d'ajouter qu'une enquête complète et transparente sur les circonstances de sa mort soudaine doit être menée. La cause de la disparition de l'opposant numéro 1 au Kremlin n'est toujours pas connue, son corps reste également introuvable. Et nous avons également appris que le président russe Vladimir Poutine a offert une voiture à son homologue nord-coréen Kim Jong-un. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCNA. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, le véhicule a été remis dimanche dernier à Kim Yo-jong et la puissante sœur du numéro 1 nord-coréen déclarait que c'est un magnifique cadeau qui témoigne les relations spéciales entre les deux leaders. Le média d'État n'a pourtant pas précisé la marque de l'automobile. De l'avis des experts, le présent du locataire du Kremlin ferait probablement partie de la catégorie des produits de luxe dont il est interdit, selon les résolutions onusiennes, d'exporter vers le nord du 38e parallèle. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. À présent, Tiffaine Genestier avec nous pour parler de la participation du ministre des Affaires étrangères à la réunion des chefs de la diplomatie du G20. Choteyol s'est envolé aujourd'hui pour Rio de Janeiro où se tiendra mercredi et jeudi la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Il s'agit du premier grand rendez-vous multilatéral auquel il participe depuis sa prise de fonction le 10 janvier. À cette occasion, le Sud-Coréen s'exprimera sur le rôle du groupe des 20 dans les questions géopolitiques et sur la réforme de la gouvernance mondiale. Il s'entretiendra aussi en tête-à-tête avec plusieurs de ses homologues, parmi eux l'Américain Anthony Blinken et la Japonaise Yoko Kamikawa. Les chefs de la diplomatie des trois partenaires pourraient aussi se retrouver ensemble. Si tel est le cas, l'attention se portera sur les discussions autour de l'éventuel dialogue entre Tokyo et Pyongyang. Sans transition, la Corée du Sud et l'Union européenne ont convenu en novembre 2022 de conclure un accord sur le commerce numérique. Conformément à cela, les deux parties ont décidé de lancer leurs discussions sur les moyens de coopération en la matière de filières, comme le transfert de données, la protection des informations personnelles ou encore la cybersécurité. Leurs premiers pourparlers ont eu lieu en décembre dernier à Bruxelles. Les deuxièmes se sont ouverts aujourd'hui, cette fois à Séoul, pour une durée de 3 jours. Le pays du matin clair et l'UE mènent leurs négociations afin de créer un environnement fiable, ouvert et impartial du commerce digital pour les entreprises et les consommateurs qui y participent. Le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce s'attend à ce que son futur partenariat avec l'Union européenne permette à ces entreprises de renforcer leur compétitivité. Le MWC 2024, le plus grand événement mondial de l'industrie de la technologie mobile, se tiendra du 26 au 29 février prochain à Barcelone. Cette année, 165 entreprises sud-coréennes y sont attendues. 101 d'entre elles sont de grande et de moyenne taille. C'est le pays hôte, l'Espagne donc, qui est le plus représenté avec 696 sociétés. Elle est suivie des États-Unis. La Corée du Sud arrive à la 4e position. En 2019, juste avant l'apparition du coronavirus, 222 firmes du pays du matin clair y avaient présenté leurs dernières innovations technologiques. En raison de la pandémie, le salon avait été annulé l'année suivante. Mais depuis la fin de la crise sanitaire, les entreprises sud-coréennes s'envolent de plus en plus pour l'Espagne. Et pour terminer, 233 000 tonnes, c'est la quantité de la viande bovine que la Corée du Sud a importée en 2023 depuis les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé hier le département américain de l'agriculture. Le pays du matin clair reste ainsi le premier importateur du bœuf made in USA pour la 3e année consécutive. Il est suivi de la Chine et du Japon. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite et laissez-nous des commentaires sur Instagram. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le gouvernement prévoit de lancer la campagne Mois du voyage jusqu'à la fin de mars. Destiné à tous les citoyens du pays du matin clair, cet événement, qui a pour objectif de booster les voyages intérieurs, n'avait eu lieu qu'une seule édition, en juin l'année dernière. Cette année en revanche, il aura lieu à 2 reprises, en mars et en juin. C'est avec cette nouvelle qu'on va commencer cette édition de ce mardi. L'Office national du tourisme de Corée et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ont annoncé que ce mois du voyage serait mené du 20 février au 31 mars. Lors de la campagne en juin 2023, plus d'1 million de personnes avaient bénéficié de divers avantages. Pendant cette période, les dépenses touristiques avaient été estimées à 9,2 milliards d'euros. Le slogan de la campagne de mars est « Trouver les voyages cachés, redécouvrir les régions locales ». Cela signifie découvrir les charmes cachés de chaque région à travers les voyages. Ce qui attire le plus l'attention, c'est la réduction drastique des prix. L'année dernière, les remises pour le transport ont été les plus populaires. Cette fois-ci, elles sont étendues pour qu'environ 180 000 personnes en bénéficient. Si on achète des billets du KTX, le train à grande vitesse sud-coréen, en les combinant avec des offres touristiques via les agences de voyage affiliées au Corail, ainsi que les principales agences de voyage en ligne, on pourra bénéficier de réductions allant jusqu'à 50% en semaine et 30% le week-end et les jours fériés. Les trains touristiques sur 5 lignes offriront également des rabais allant jusqu'à 50% lorsqu'on achète des billets via l'application et le site web du Corail ou au guichet sur place. Des tarifs réduits sont également disponibles pour les vols domestiques vers 4 destinations et la location de voitures. Les produits thématiques, qui permettent de voyager en économisant à la fois le coût et le temps, méritent aussi une attention particulière. Baptisés voyages inter-économiques, ces programmes proposeront plus de 50 excursions avec différents thèmes à des prix réduits de 40%. De plus, l'offre nommée En mars, allez-y sera disponible pour environ 1700 touristes. Il s'agit des déplacements vers 21 petites villes dans la journée. Les voyageurs peuvent choisir entre 23 itinéraires. Au prix de seulement 30 000 won, soit environ 21 euros, cela inclut le transport, les repas et l'entrée des sites touristiques. Pour notre première pause musicale, voici une chanson de Lee Seung-gi, Yeongeul Tteonayo, Partons en voyage. Âgé de 19 ans, va entrer à l'université coréenne en mars. Cependant, il a été un peu déçu en apprenant qu'il ne recevrait pas le tigre en peluche nommé Hoi, comme ses aînés. Ce dernier est un personnage basé sur la mascotte de l'établissement scolaire. Ces dernières années, cette peluche était incluse dans les coffres cadeaux fournis à ses nouveaux étudiants. Mais cette année, l'université a décidé de ne plus les inclure. Depuis la propagation du Covid-19 en 2020, les universités ont commencé à offrir des coffrets cadeaux à leurs nouveaux étudiants. Ces présents avaient pour but de stimuler le sentiment d'appartenance et d'affection pour l'école des élèves. Car à l'époque, les cours et les événements organisés par l'université ne se déroulaient qu'en ligne. Cependant, avec la reprise des activités en présentiel due à la fin de la crise sanitaire, les établissements d'enseignement supérieur s'interrogent désormais sur le maintien de ces cadeaux. Ces coffrets ont été conçus en tenant compte de l'histoire et la personnalité de chaque université. Par exemple, l'université Yonsei a offert aux nouveaux élèves un recueil de poèmes de Yoon Dong-joo, intitulé « Le ciel, le vent, les étoiles et les poèmes ». Ce défunt poète, très apprécié par les Coréens, était l'un de ses anciens élèves. L'université Chung-Hang, de son côté, a inclus dans ses ensembles de présents des autocollants du personnage Pwang, basé sur le dragon bleu. L'université Kyung-hee, quant à elle, a compris les porte-clés du personnage Kumi, modelé d'après un lion. Cependant, certains établissements ont décidé de supprimer ces cadeaux. Parmi les 11 principales universités à Séoul, l'université Chung-Hang a arrêté de les offrir l'année dernière et l'université Coréa à partir de cette année. Un représentant de cette dernière a expliqué qu'avec la levée des restrictions sur les activités en présentiel, il était préférable de favoriser le sentiment d'appartenance par le biais des activités universitaires. En parallèle, cette université a augmenté le budget pour les activités autonomes des étudiants. L'une des principales raisons de l'abandon de ces coffrets cadeaux est le coût. Plusieurs universités envisagent effectivement de l'arrêter en raison des dépenses impliquées. En général, les coûts de fabrication et d'exposition de ces gâteaux s'élèvent à entre 21 et 35 euros par unité. Un représentant de l'université de Chunan a avoué qu'il fallait des centaines de milliers d'euros pour fabriquer ces coffrets. Cela représente un poids considérable selon lui, d'autant plus que les frais de scolarité sont gelés. Et si l'on écoutait une chanson justement sur les cadeaux ? Voici Sammul, cadeau, interprété par Yun Mirae. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Vous écoutez Séoul au jour le jour, l'édition de ce mardi 20 février est présentée par Jisoo François Kim. Un riz au goût de bœuf obtenu en ajoutant des cellules souches de bœuf au riz a été mis au point par des chercheurs sud-coréens. C'est l'équipe de recherche dirigée par le professeur Hong Jin-gi de l'université Yonsei qui a son origine. Elle a publié sur une revue scientifique qu'elle avait mis au point un riz qui sent le bœuf lorsqu'il est cuit. Selon elle, cette nouvelle céréale contient 8% de protéines et 7% de matières grasses de plus que le riz ordinaire. Ce riz teinté de rouge est en fait comparable à de la viande cultivée en laboratoire à partir de cellules. Jusqu'à présent, diverses formes de viande de culture ont été développées dans le monde entier. Mais celle de culture développée avec du riz comme support est une première du genre dans le monde. Les chercheurs de l'équipe ont eux-mêmes cuisiné ce riz afin de vérifier s'il est adapté à la consommation. Ils ont ainsi effectué diverses analyses pour évaluer sa valeur nutritionnelle, son odeur, sa texture et ses autres caractéristiques. Les résultats ont montré que le riz au goût de bœuf une fois cuit n'était ni collant ni moelleux comme le riz ordinaire. Il était plutôt dur et plus facile à briser. De plus, ce nouveau mets dont la teneur en protéines est plus élevée dégager une odeur similaire à celle du bœuf ou des amandes. Celui qui a une teneur en matière grasse plus élevée dégageait quant à lui des odeurs de crème, de beurre ou d'huile de coco. L'équipe de recherche a conclu qu'une étude supplémentaire serait nécessaire pour sa commercialisation. Selon un chercheur de l'équipe, si la culture de riz au goût de bœuf est commercialisée, le prix pourrait atteindre environ 3000 won par kilogramme. Pour information, en Corée du Sud, le prix du bœuf tourne autour de 20 000 won par kilogramme, soit 14 euros. Dans ce contexte, il a prévu que cette céréale pourrait servir de nourriture de secours en cas de famine, de rations militaires, voire même d'alimentation spatiale. L'équipe scientifique estime que ce riz présente des possibilités de commercialisation élevées, car il comporte peu de risques alimentaires et son processus de production est relativement facile. En outre, elle a été évaluée que les émissions de dioxyde de carbone seraient considérablement réduites par rapport à l'obtention de bœuf par l'élevage. En effet, lors de la production de riz au goût de bœuf contenant 100 g de protéines, il est estimé que 6,27 kg de dioxyde de carbone sont émis. En revanche, ce chiffre s'élève à 49,89 kg pour la viande de bœuf provenant de l'élevage. Et avant d'enchaîner avec la nouvelle suivante, je vous propose de faire une petite pause musicale. Voici une chanson de Kim Bomsou, Kipap, repas fait maison. Ah, Kipap. Les plateformes de streaming qui proposent des retransmissions en direct et des enregistrements audio de représentation se multiplient. Elles permettent d'apprécier facilement des concerts de musique classique prestigieux par exemple, pour lesquels il est souvent très difficile d'obtenir des billets. Traditionnellement, la musique classique était considérée comme un art à apprécier dans une salle de concert. Mais la pandémie de Covid-19 a apporté un changement. Avec l'annulation successive des spectacles, les diffusions en direct des concerts sans public et des enregistrements vidéo de représentations passées sont devenues courantes. Le centre d'art de Séoul en est un exemple. Il a développé sa propre plateforme de vidéos de concerts appelée Digital Stage. Elle a commencé son service en décembre dernier. On peut y regarder des spectacles de divers genres, notamment des concerts classiques, des pièces de théâtre et des ballets. Les représentations en direct de musiciens renommés dont la réservation de billets est extrêmement difficile ne font pas exception. En novembre dernier, la vidéo de l'interprétation du célèbre jeune pianiste Cho Sang-jin avec l'orchestre du Kewad House de Leipzig a dépassé les 120 000 vues. Des vidéos de Lee Myung-chan, le plus jeune lauréat du concours international de piano Van Cliburn en 2022, ont également été publiées. Celle de la première partie de son récital en Corée du Sud, donnée juste après cet exploit, a été diffusée le 6 février. Et la deuxième partie sera proposée le 21. Certains orchestres se sont également lancés directement dans les plateformes en ligne. L'orchestre symphonique de la KBS a officiellement mis en service Digital K-Hall en septembre 2022. En mars de l'année suivante, il a aussi sorti une application mobile. Ayant régulièrement diffusé ses performances en direct sur la chaîne de télévision KBS One TV, cette formation dispose d'une archive de plus d'un millier de vidéos de concerts. Environ 5 nouveaux contenus sont mis à jour chaque semaine. Actuellement, plus de 800 vidéos sont disponibles. Ces plateformes ont un point fort. Elles permettent de regarder des représentations passées. Par exemple, celle de la violoniste Chang Kyung-hwa, en collaboration avec le chef d'orchestre et son frère Chang Myung-hoon en mai 1985, ou celle du violoniste Chang Yang-joo qui a joué au théâtre d'art de Ponghwa à Pyongyang en septembre 2002. Ces sites offrent ainsi l'avantage de pouvoir profiter de spectacles sans contrainte de temps ni de lieu. De plus, leur gratuité ou leur faible coût devrait permettre d'élargir le public de la musique classique. Et voilà, c'est le moment de retrouver Carte Postale présentée par Christelle Drouard. Avant de la rejoindre, permettez-moi de présenter un commentaire posté sur les réseaux sociaux. Jérémy Boifaux, président d'Afrique Corée, a laissé ce message. Félicitations pour ce que vous faites pour le monde francophone, KBS, c'est plus qu'un média. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et vous aussi, chers auditeurs, si vous avez des questions ou des avis sur notre émission, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux ou par email. Voici notre dernière chanson interprétée par B2B, Finale Uriye Concert, finale notre concert. 말이지만 너가 있기에 모든 순간에 생기가 돌아 Yo, mic check done, spotlight on and I'm ready to go My adrenaline rushing through my veins, I'm waiting to start the show Here we go A show for my people, my family, friends and my fans okay. This song goes out to all you guys Everyone Now put your hands up World Radio. Installez-vous confortablement pour un périple captivant à travers les méandres des transports urbains en Corée du Sud, où l'efficacité fusionne avec les innovations. Et qui de mieux pour nous guider dans cette exploration que notre experte émérite, Christelle, prête à partager ses observations éclairées sur la vie quotidienne au cœur des métropoles sud-coréennes. Merci Jisoo et bonjour à tous. Le pays est réputé pour son efficacité et son innovation dans ce domaine, offrant aux citoyens et aux visiteurs une variété d'options pour se déplacer dans les villes dynamiques de la péninsule. Les modes de transport en Corée du Sud et surtout à Séoul et Busan sont un sujet de plus en plus important dans un pays où la population continue de croître et où les villes se densifient. La Corée du Sud est un pays où la voiture individuelle est très présente, mais cela crée des problèmes de congestion et de pollution. Exactement, et pour remédier à cela, les autorités ont mis en place plusieurs solutions pour favoriser les transports en commun. Commençons par le plus connu de tous, le métro. Les réseaux de Séoul et de Busan sont particulièrement étendus, modernes et rapides. Le métro de Séoul, par exemple, avec 20 lignes, est l'un des plus fréquentés au monde et permet de se déplacer en flèche et en toute sécurité. Et surtout, en temps et en heure. Tout à fait, Jisoo. Tu fais bien de le souligner. C'est l'une des choses agréables avec le métro séoulien, c'est qu'on n'a jamais de retard. Les heures indiquées sur le quai sont toujours respectées. En plus de la ponctualité, les métros sud-coréens sont connus pour leur propreté, offrant ainsi un moyen fiable et confortable de se déplacer. Ouf, j'ai eu le bus à temps. Bien, voici donc un autre transport que l'on utilise souvent. Les bus sont également très empruntés et desservent de nombreux quartiers. Les bus sont souvent moins chers que le métro et permettent de découvrir les rues pittoresques des villes. Oui, le bus c'est super quand on passe sur les ponts et qu'on peut admirer la vue sur la rivière Han. Je suis bien d'accord avec toi, c'est toujours une sacrée vue. Nous parlions de propreté il y a quelques minutes, les bus n'y manquent pas non plus. Dotés d'un réseau dense, ils constituent une solution flexible pour atteindre des zones non couvertes par le métro. Les bus en Corée du Sud sont équipés de technologies avancées comme des écrans d'information en temps réel et des systèmes de paiement sans contact. En parlant de paiement, l'utilisation de la Timoni, une carte à puce, est très populaire. Oui, l'utilisation de la Timoni dans le métro, par exemple, est très simple. Il vous suffit de balayer votre carte à l'entrée et à la sortie, éliminant le besoin d'acheter des billets à chaque trajet. Ce moyen peut aussi être utilisé dans les bus et de la même manière, bipé à l'entrée ainsi qu'à la sortie. Bien faire attention à le faire à la sortie du bus, sinon vous allez devoir payer bien plus que le trajet que vous avez effectué. La Timoni permet un paiement sans contact rapide et efficace à bord des bus, rendant les déplacements encore plus pratiques. Et cela fonctionne également pour les taxis ainsi que les vélos partagés. Absolument, les taxis omniprésents dans les rues de Séoul acceptent la Timoni, simplifiant le processus de paiement. Ils sont en plus équipés de compteurs pour garantir des tarifs justes. Et les vélos partagés est une option écologique de plus en plus populaire. Ils peuvent être déverrouillés et payés avec la Timoni. Les grandes villes disposent de pistes cyclables bien entretenues, offrant aux cyclistes une alternative saine et respectueuse de l'environnement. Les utilisateurs de la Timoni peuvent également l'utiliser pour régler les trajets en trottinette électrique ou en hoverboard, offrant une expérience de déplacement complète et sans tracas. On évoque la Timonie et plus récemment la ville de Séoul a lancé sa nouvelle carte Climate Card. On ne peut rien te cacher, Jisoo. Et oui, une nouvelle carte a fait son apparition et serait déjà en rupture de stock tellement elle fait parler d'elle. Cette carte vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en incitant les citoyens séoulites à opter pour un transport en commun. Il s'agit d'un forfait illimité avec 62 000 won pour 30 jours. Le projet est étalé entre le 27 janvier et le 30 juin 2024. Une autre raison pour se précipiter pour en profiter. Elle est également éco-conçue et utilise des matériaux recyclés. C'est une initiative du gouvernement sud-coréen visant à encourager des comportements écologiques. Attention, la zone d'utilisation est réservée à la ville de Séoul seulement, donc les lignes dépassant les limitrophes ne sont pas concernées, telles que celle de Shinbundang. Cette carte offre divers avantages aux titulaires, notamment des réductions sur les transports publics, les produits et services écologiques. Je suis un peu perdu sur son utilisation. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la manière de se la procurer et comment s'en servir ? Bien sûr, on peut avoir cette carte dans les Pyeongnyeom, les supérettes coréennes, mais attention, seulement celles qui se trouvent dans les stations de métro. Elle est également disponible sur Internet sous forme numérique. La carte vaut 3000 won et une fois en poche, vous pouvez la changer avec 65 000 won, environ 40 euros, et faire vos trajets en illimité pendant un mois. Vous avez donc cela pour le métro, le bus et le vélo. Et si toutefois vous ne vouliez pas inclure le vélo, vous pouvez avoir cet abonnement avec 62 000 won, englobant ainsi métro et le bus. Donc du coup c'est le même principe qu'une Timonie, c'est ça ? Oui, c'est simplement moins cher et plus écologique, et très simple d'utilisation. Il suffit de la présenter au moment de l'embarquement dans le métro ou le bus. La carte est alors validée et le montant du trajet est réduit en fonction des offres spéciales liées à la carte. Voilà, chers auditeurs, Christelle nous a bien instruits sur les transports en Corée du Sud. Nous clôturons ce voyage auditif à travers les transports urbains. Rappelons-nous que chaque déplacement relève une histoire unique. Restez à l'écoute pour de nouvelles découvertes et aventures, car notre exploration passionnante de la vie coréenne ne fait que commencer. Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Jisoo François Kim au micro, Ko Jong-sun à la rédaction et Kim Hong-joo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de KBS World Radio. Dans le cadre de la nouvelle programmation, nous vous invitons à réviser du lundi au jeudi les expressions de notre cours de coréen avec le drama Le Bon Docteur. Cette série médicale met en scène les efforts et l'amour de spécialistes en pédiatrie dans un hôpital universitaire, notamment interprété par Chu Won et Moon Tae-won. Nous aborderons deux numéros par jour qui ont été diffusés pour la première fois sur nos ondes en 2016 pour que vous puissiez les connaître par cœur. Vous pouvez toujours regarder les extraits sur le site dans la rubrique Annyeonghaseyo. Bon apprentissage. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce cours de coréen. Nous allons découvrir cette semaine le 7e extrait de notre drama qui est tiré du 10e épisode. Nous en sommes exactement à la moitié. Alors moi j'aimerais bien que l'on prenne un peu de temps pour revoir les expressions de la semaine depuis le début avant de découvrir le nouvel extrait. Ça me semble une excellente idée, Louis. Alors c'est toujours bien de faire une révision. Ça va nous permettre de revoir ce que nous avons appris. C'est comme ça que ça finit par entrer. Alors on pourrait déjà en faire trois aujourd'hui, puis les trois autres demain. Très bien, faisons comme ça. Alors, la première expression a été utilisée dans un cas d'urgence après un accident où un enfant a été grièvement blessé. Voilà donc l'expression « ollonyo ». Ollonyo. Qui veut dire « vite ». Alors, tout d'abord, quelques mots sur la prononciation. Il y a deux « liol ». Il faut donc bien prononcer en détachant chaque syllabe. « Ollon » et non pas « ollon », qui veut dire un adulte, une grande personne. Ollon. Ouais, c'est ça. Alors, comme on l'a dit, ollon a le sens de vite, rapidement, tout de suite. Mange tout de suite avant que ça refroidisse, se dira, 식기 전에 얼른 먹어라. Shikijane Olon Mogola. Ou encore, dépêche-toi de faire l'aller-retour Olon Kattawa. Olon Kattawa. Et si vous voulez seulement dire vite et de manière assez polie, il vous suffit alors de rajouter seulement la particule yo de politesse, Olon yo. Olon yo. Passons à la deuxième expression que nous avons vue et qui était Hwanyang Hamnida lorsque les membres du conseil de l'hôpital avaient accueilli Park Si-hoon comme interne. Alors, le verbe Hwanyang Hada est utilisé pour souhaiter la bienvenue. Quand on arrive à l'aéroport international d'Incheon, on peut lire sur de grands panneaux Hangugae Oshin Gosol Hwanyang Hamnida. Bienvenue en Corée du Sud. Hangugae Oshin Gosol Hwanyang Hamnida. Je vous souhaite la bienvenue, se dira donc tout simplement Hwanyang Hamnida. Oui, ou de manière un peu moins informelle, Hwanyang Heo. Et nous passons à notre troisième expression, celle de notre troisième extrait qui est Mulonidyo. Moulon et Dio. Bien sûr, bien entendu, évidemment. Moulon peut s'utiliser tel quel entre amis. Tu vas venir, non, Ulgoji? Moulon. Que les Moulon ou aussi Moulon et Dio. Les deux veulent sensiblement dire la même chose. Cela va de soi. Et de manière plus polie, en rajoutant la particule yo qui marque la politesse, Ushige Soyo, vous viendrez. C'est très bien, Louis. On pratique en effet une contraction de Moulon Iji et du Yo de politesse, ce qui donne Moulon Ijo. On peut même dire de façon encore plus formelle Moulon Imnida. Moulon Imnida. Bien évidemment, bien sûr. Anori Keseo. Vous écoutez actuellement la rediffusion de notre cours de coréen à Nyeonghaseyo. Nous continuons tout de suite avec notre deuxième numéro de la journée, extrait du drama Le Bon Docteur. Bonne écoute. Annyeonghaseyo. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de coréen. Comme nous sommes arrivés à la moitié de notre drama Good Doctor, le bon docteur, nous avons décidé de revoir chacune des 6 expressions de la semaine que nous avons vues depuis le début de l'année. Nous en avons revu 3 hier et nous allons continuer avec les 3 suivantes aujourd'hui. Tout à fait. Et avant de commencer, pourrais-tu nous les redonner encore une fois? Mais bien sûr, alors il y avait tout d'abord Olnyo, vite, puis Hwanyang Hamnida, bienvenue, et enfin Mulonidyo, bien sûr. C'est exact. Allez, vous pouvez répéter après moi. Olnyo, Hwanyang Hamnida, Mulonidyo. Alors, voyons à présent notre expression de la 4e semaine qui est Deulil Malseumi Opseumnida, je ne sais quoi vous dire. Deulil Malseumi Opseumnida. Ce n'est pas une expression que l'on emploiera tous les jours, d'autant qu'elle est d'un haut niveau de correction. Alors d'abord, le nom commun Malseum, qui est la forme honorifique de mal, qui a le sens de parole, propos. Et comme le verbe parler, malul hada, il y a le verbe malseum hashida. Tout à fait. Parler, dire, on l'utilise quand on parle des paroles d'un supérieur ou de quelqu'un envers lequel on témoigne du respect. Et puis, on avait vu plusieurs fois le verbe telida, Louis. Oui, c'est aussi un verbe qui marque un niveau de déférence et qui correspond à chuda, donner, présenter. Exactement. Pour dire offrir un cadeau au professeur, cela donnera sansengnimke. Son moulul terida. Et puis enfin, le verbe opta, ne pas exister, ne pas y avoir, conjugué dans l'expression avec la forme de politesse en mnida. Chacun des mots évoque un niveau élevé de correction. Allez, on répète encore une fois. Deulil malseumi opseumnida. Deulil malseumi opseumnida. Passons maintenant à la 5e expression qui est otoke ushosoyo. Otoke Oshosoyo. Oui, que l'on peut comprendre par quel est l'objet de votre visite, vous cherchez quelqu'un ou encore est-ce que je peux vous aider? Tu nous avais précisé qu'il ne fallait pas la traduire mot à mot du style « comment vous êtes venu ». Oui, ce n'est pas une expression pour demander la manière par laquelle on est arrivé là, mais plutôt la raison de notre venue. Donc, « otoke » qui veut habituellement dire « comment » n'a pas ce sens ici. Et puis le verbe « oda »,« venir » est conjugué ici avec le suffixe honorifique « shi » qui est rajouté directement au radical du verbe. C'est donc cette forme que l'on utilise le plus souvent pour demander quel est l'objet de la visite ? Oui, comme on ne connaît pas habituellement la personne, il est naturel de s'adresser à elle avec cette forme de politesse « otoke o shosoyo » ou même encore plus poli « otoke o shosumnika ». Otoke oshosumnika. Voyons notre sixième et dernière expression qui est choshimhe, fais attention. Choshimhe. C'est le verbe choshimhada, faire attention, prendre garde, conjugué à la forme familière, ou du moins utilisé entre amis. Fais attention à ne pas attraper un rhume, se dira. Kamgilol choshimhe. De manière plus polie, faites attention, se dira choshimheyo ou choshimhaseyo. Choshim heyo, choshim haseyo. Voilà. Nous avons revu donc nos six expressions et nous allons bien sûr continuer avec l'extrait de cette semaine où l'on va retrouver Chayun So, d'autres docteurs du service de chirurgie pédiatrique et Park Seon. Ah, enfin! Notre bon docteur. Oui, il est présent. C'est même le centre d'attraction, mais il ne parle pas. Je vous en dirai beaucoup plus demain. À demain pour la suite. Anemi Keseo. Chers auditeurs, après la K-pop, le cinéma et le drama, la littérature coréenne se fait sa place à l'international. Le 9 novembre 2023, le roman de Han Gang, Impossible à Dieu, a marqué le coup en remportant le prix Médicis du meilleur roman étranger en France. C'est donc pour faire honneur à ce sacre que nous avons décidé de rediffuser tous les mardis soirs un ancien numéro de Lettres coréennes. Préparez votre chocolat chaud, votre thé ou votre café et installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Nous commençons la lecture. Lettres coréennes. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une nouvelle de Hyun Jin-gun intitulée Un jour de chance. Ce fut une journée pluvieuse. Un temps frais et nuageux avait présagé la neige, mais les gouttes de pluie à moitié gelées tombaient du ciel. Ce fut un jour de chance arrivé pour la première fois depuis longtemps au vieux Kim, qui travaillait comme chauffeur de pousse-pousse à l'intérieur de Dongseomun, l'une des portes de la muraille de Séoul. Il commença par conduire la dame de la maison voisine jusqu'à l'arrêt du tramway et après avoir flâné dans les environs, tout en jetant un regard presque suppliant à chacun de ceux qui descendaient du tram, espérant un client, il put enfin emmener un homme en costume, un inspecteur sans doute, à l'école Tongwang. 30 jaunes pour le premier trajet, 50 jaunes pour le second, ce n'était pas un si mauvais début de journée. Ayant été terriblement malchanceux, le vieux Kim n'avait pas vu un seul sou depuis près de 10 jours. Alors il était ravi au point de pleurer quand 3 ou 5 pièces de monnaie de 10 jeunes tombèrent sur sa paume. Ainsi commence un jour de chance de Hyun Jin-gun, qui décrit la journée d'un chauffeur de pousse-pousse appelé le vieux Kim dans les années 1920 à Séoul durant l'occupation japonaise. Tout comme le titre l'indique, c'est un jour très spécial pour le vieux Kim. Pang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, nous en dit plus sur la signification du titre. C'était en fait un jour de la pire malchance pour le personnage principal. Il y a plusieurs façons de donner un titre à une histoire. Il pourrait symboliser le thème principal de l'œuvre. Il pourrait être nommé d'après le personnage principal par éponymie, ou encore il pourrait avoir un sens tout à fait opposé à ce qui se passe dans l'histoire. Cet écrivain a créé un titre très drôle. Le personnage principal a cru que c'était un jour de chance, mais c'était en fait un jour de plus grande malchance dans sa vie. Cependant, Hyun Jin-gun intrigue les lecteurs avec le titre « Un jour de chance » pour qu'ils puissent continuer la lecture et découvrir comment ce jour allait se dérouler. Hyun Jin-gun est né à Daegu dans la province de Gyeongsang du Nord en 1900. En 1937, alors journaliste au quotidien Tonga, il est arrêté par la police japonaise et emprisonné pendant un an pour avoir effacé le drapeau nippon de la photo du marathonien coréen Song Ki-jong qui avait remporté la médaille d'or à Berlin. Un jour de chance a été publié en juin 1924 dans la revue littéraire K-Biok. Cette nouvelle a marqué une étape importante non seulement dans la carrière de Hyun Jin-gun, mais dans l'histoire de la littérature coréenne. Écoutons la critique littéraire Chun So-yang qui nous en dit plus. Hyun Jin-gun a fait ses débuts en littérature en 1920. Au cours des années 1920, les Coréens ont commencé à examiner avec attention leur vie dans un pays colonisé et à affermir leur identité nationale. Ainsi, les œuvres littéraires publiées à cette époque ont pris de tons différents. Hyun a écrit sur la vie des élites au début de sa carrière d'écrivain. Il avait fait ses études à Tokyo où il avait reçu une éducation moderne, mais il lui était interdit de faire quoi que ce soit pour le progrès de la Corée colonisée. Il s'était donc mis à écrire sur une telle angoisse et frustration. Mais sa vie d'écrivain a pris un tournant avec un jour de chance dans laquelle il a commencé à observer de près les gens ordinaires de la Corée colonisée, les diverses facettes de leur vie misérable, comment les graves questions de vie et de mort ont été comparées à une question de chance. C'est pourquoi Hyun Jin-gun est présenté dans l'histoire de la littérature coréenne comme un écrivain qui a établi le modèle des nouvelles modernes et posé les bases d'une littérature réaliste. Le vieux Kim vit avec sa femme et son fils âgé de 3 ans. Sa femme, atteinte d'une maladie inconnue, est alitée depuis plus d'un mois, mais ses revenus modestes ne lui permettent pas d'acheter suffisamment de nourriture pour sa famille et encore moins les médicaments pour la malade. Depuis 3 jours, la femme de Kim n'arrête pas de demander à son mari de lui acheter de la soupe de bœuf. Même où le vieux Kim a pensé que c'était un jour de chance, son épouse l'a supplié de ne pas aller travailler et de rester à ses côtés. « Arrête de dire des sottises. Si je reste à la maison, qui va aller gagner de l'argent pour te nourrir ?» Il a réprimandé d'un ton âcre avant de partir. Et il a déjà gagné 80 jeunes durant la matinée. Sa chance ne s'arrête pas là. Un étudiant lui demande de l'emmener à l'arrêt Namdaemun. Persuadé que la pluie fera monter le jeune sur son pouce-pouce, quel que soit le prix, le vieux Kim, comme pour tester sa chance, propose un prix excessif d'un 1 et 50 jeunes. Sans même s'en rendre compte, le vieux Kim laissa échapper ses mots. Donnez-moi juste un 1 et 50 jeunes. Puis sa cupidité fit oublier ses soucis pour la malade. Il ne lui arrivera rien aujourd'hui, se dit-il. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas lâcher cette chance, deux fois plus grande que la première et la seconde. Je vais vous payer le prix que vous voulez. Dépêchez-vous. Le vieux Kim sentait ses jambes étrangement agiles après avoir pris l'étudiant dans son pouce-pouce. Il avait l'impression de voler plutôt que de courir. Peu de temps après, ses jambes commencèrent à se sentir lourdes. Il s'approcha de sa propre maison. Une inquiétude soudaine pesait lourd sur son cœur. « Ne va pas travailler aujourd'hui. Je suis tellement malade. » Ces mots résonnaient dans ses oreilles. Les yeux creux de la malade semblaient le foudroyer, le blâmant. Puis, il crut entendre son fils pleurer. Plus il s'éloignait de chez lui, plus ses pas devenaient légers. Une fois arrivé à l'arrêt, un moine et 50 jeunes dans sa main, il oublia avoir couru près de 4 km sous la pluie. Il se sentait reconnaissant pour cet argent comme s'il était tombé du ciel. Il était exalté comme devenu subitement riche. Même après avoir gagné une si grosse somme pour un trajet, la chance continue de sourire au vieux Kim. Cependant, il s'inquiète à nouveau pour sa femme lorsqu'il passe près de chez lui. Il devient de plus en plus anxieux alors que sa journée de chance continue. Le lecteur, maintenant totalement immergé dans l'histoire, devient tout aussi inquiet. Voici à nouveau le professeur Bang Min-ho. Alors que sa femme est en train de mourir, le vieux Kim est extraordinairement chanceux. L'ironie n'est possible que lorsqu'un tel écart existe entre les deux parties différentes de la vie du personnage. En outre, quand les lecteurs découvrent enfin ce qui se passe vraiment à la fin de l'histoire, c'est-à-dire la situation tragique des gens pauvres de cette époque-là, ils ne peuvent s'empêcher de sourire amèrement ou de verser des larmes pour les personnages. La structure de l'ironie ne peut être construite que lorsque deux éléments sémantiques ou esthétiques entrent en contradiction. Cette nouvelle satisfait parfaitement ces conditions. Maintenant, le vieux Kim, qui vient de terminer sa journée, est sur le chemin du retour à la maison. Cette fois-ci, plus il s'approchait de sa maison, plus son inquiétude se calme. Ce calme ne vient pourtant pas du sentiment que tout va bien. Il sent qu'un horrible malheur l'attend. Il traîne donc un moment dans une tentative désespérée de gagner du temps avant de faire face à cette grande malchance. Un sauveur apparaît devant le vieux Kim qui cherchait une excuse pour retarder son retour à la maison. C'est son ami Chisam. Les deux hommes décident de prendre un verre dans un bistrot voisin. Le bistrot était agréable et chaleureux avec la vapeur blanche qui s'échappait de la marmite dans laquelle la soupe de poisson bouillait et de la viande assaisonnée qui grésillait sur le grill. Des huîtres, de la viande, du foie et des reins cuits du porc, du merlan séché, des galettes de haricots mungo. Devant tous ces plats, le vieux Kim se sentit pris d'une méchante faim. Les deux amis décidèrent de commander deux grandes portions de galettes et un bol de soupe de loche. Les entrailles affamées palpitaient de plaisir avec l'arrivée de la nourriture et continuèrent d'en demander plus. Le vieux Kim coupa deux gâteaux de riz sur le grill et la bouche pleine commanda deux autres verres d'alcool. « Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Nous avons déjà bu 4 verres chacun, ça fait 40 jeunes. »« Mais comme t'es bavard, c'est rien ces 40 jeunes. J'ai fait beaucoup d'argent aujourd'hui, j'étais vraiment chanceux. » Il se tapota la taille avant de sortir un billet d'un won et de le jeter en l'air. En même temps, quelques pièces de monnaie tombèrent avec un tintement. Deux verres pleins se vidèrent immédiatement dans les gosiers. Après avoir aspiré les gouttes d'alcool accrochées à ses lèvres et à sa barbe, le vieux Kim caressa sa barbe, raide comme des aiguilles de pin, l'air tout satisfait, puis cria « Remplis encore !» Le vieux Guy me boit plus que d'habitude et commence à raconter un épisode de sa longue journée en imitant même la voix d'une femme. Puis, il se met à pleurer. Ma femme est morte. J'ai laissé son cadavre à la maison. Et je bois avec toi. Je mérite plus que la mort. Dit le vieux Kim en éclatant en pleurs. De quoi parles-tu? Tu dis la vérité ou tu mens? Demanda Tissam en tirant le bras de son ami qui pleurait. Mais non, elle n'est pas morte. Elle est bien vivante. Dit le vieux Kim tout en applaudissant et riant tel un enfant. Tissam, se sentant étrangement nerveux, dit à son ami de rentrer à la maison. « Elle n'est pas morte, je te l'ai dit, elle n'est pas morte !» cria le vieux Kim d'un ton irrité, mais décisif, qui exprimait, au fond, plutôt un souhait qu'une conviction. Le moment tant craint arrive. Il est maintenant temps pour notre personnage principal de rentrer à la maison. Il n'a plus d'excuses. Sur le chemin du retour, trempé jusqu'aux os par la pluie, le vieux Kim achète un bol de soupe de bœuf. Si le vieux Kim n'avait pas été si ivre, il aurait flageolé sur ses jambes dès qu'il aurait franchi la porte, intimidé par ce silence effrayant qui dominait ce calme après le passage d'une tempête. Il n'entendit ni le bruit de toux, ni de râle. Sans même poser le bol de soupe dans un coin de la pièce, l'ivrogne éleva la voix et gronda. « Tu passes toute la journée à dormir. Pourquoi tu ne te lèves pas pour accueillir ton mari ?» Il donna un coup de pied à la jambe de la femme couchée, mais c'était comme si son pied se heurtait à une souche d'arbre et non pas à la chair d'une personne vivante. C'est à cet instant-là que le bruit de succion se transforma en cri. Son fils lâcha le marmelon pour pleurer à plein poumon. Il se précipita vers sa femme et secoua la tête aux cheveux ébriffés. « Parle, dis quelque chose. » « Oh, elle ne répond pas. Elle doit vraiment être morte. »« Pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi tu ne regardes que le plafond ?» dit-il, la gorge serrée. Le vrai visage de l'anxiété qui faisait l'heure sur le vieux Kim depuis le matin est enfin révélé. L'auteur n'a pas choisi une fin heureuse pour cette nouvelle. La femme du vieux Kim s'éteint sans pouvoir apprécier la soupe que son mari lui avait apportée. Il est étonnant que Hyun Jin-gon ait impitoyablement écrasé les espoirs des lecteurs. Deux grosses gouttes de larmes tombant des yeux de la personne vivante mouillèrent le visage raidi de la défunte. Soudain, le vieux Kim marmonna en frottant sauvagement son propre visage contre celui de sa femme. « Je t'ai apporté la soupe de bœuf, mais pourquoi tu ne peux pas la manger? Pourquoi ne peux-tu pas? Aujourd'hui, j'étais étrangement chanceux. » Aujourd'hui, j'étais étrangement chanceux. Le jour où le vieux Guy me pensait être exceptionnellement chanceux, c'était en fait le jour le plus malheureux de sa vie. C'est tout pour cette édition de Lettres coréennes. C'était Yun Yini au micro avec Yunomi au doublage et Oh Ryan à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir une autre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir.